serai le roi de la naphtaline, quand je serai le prince du goudron, quand je serai l'empereur de la farine, quand je serai la terreur du nylon, je cracherai sur les copains, je jetterai tous mes mégots, je mangerai des très grands pains, je n'irai plus dans le métro, j'aurai un bel orchestre à cordes dans ma baignoire en opaline. Je le promènerai dans ma Ford, je le nourrirai de pralines. Quand je serai le roi de la naphtaline, quand je serai le prince du goudron, quand je serai l'empereur de la farine, quand je serai la terreur du nylon, j'aurai 42 piscines pleines de têtards et de fleurs. Quand je serai le roi de la naphtaline, quand je serai le grand duc du beurre, je conduirai mes femmes en laisse au bord du lac quand il fera beau. J'aurai une collection de tresses, j'aurai des lions, j'aurai des veaux. Quand je serai le roi de la naphtaline, quand je serai le prince du goudron, quand je serai l'empereur de la farine, quand je serai la terreur du nylon, j'aurai un bureau grand comme ça, j'aurai des statues en pâté. Alors enfin j'aurai le droit de mettre mes doigts dans mon nez.